Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Kostia. Hey, salut Sofiane. Merci salut pour Kostia, comment tu vas? Ben, merci à toi de l'avoir accepté. Comment ça va? Écoute, je vais super bien malgré la situation qui fait qu'on va super mal. Mais moi, je vais super bien. Et merci à toi pour l'invitation, vraiment. Avec grand, grand plaisir. C'est normal, tu vois. Je voulais un petit peu écouter les galères et puis les faire partager. Donc, c'est normal. Les gens que je trouve marrants sur scène, je me dis que leurs anecdotes vont être marrantes. Donc, voilà. Ça, je ne peux pas garantir. On va faire avec, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, tu avais, à ce propos, tu avais donc une ou plusieurs galères à nous raconter? Ah, j'en ai plein. Mais je vais te raconter la première. Vas-y. Elle vient de ma première scène. Première fois que je monte sur scène sur un comedy club. Ouais. Tu sais, tu arrives avec ton premier sketch et il y a un gars qui te fait confiance et qui te prend avec lui et il te dit « Moi, je te prends et j'ai confiance en toi. » J'arrive sur scène et on arrive dans un bar. Il n'y a pas de public. Ouais. Ouais, j'aime bien le gars qui rigole parce qu'il sait ce que c'est de jouer sans public. Ah ben oui, j'ai déjà donné, hein, je te rassure. Bien sûr, je sais. Et donc, j'arrive, il n'y a pas de public. Mais je remarque, parce qu'avec mon œil averti, je remarque qu'il y a deux gars complètement bourrés dans la salle. Et le gars qui organise la soirée, il me fait « Tu sais quoi, je ne te connais pas bien, tu passes en premier. » Et je lui dis, et tu sais, j'essaye de pas trop m'enflammer, et je fais « Ouais, je comprends, mais… je ne sais pas si j'ai l'aisance pour passer en premier. » Ben oui, je me dis, je m'en fous. Quoi. Toi, tu passes en premier. Oh là là là là. Et je lui dis, ouais, mais est-ce que tu as vu les deux gars complètement bourrés, là? C'est avant que le public arrive, tu vois. Avant que le public arrive, il y a deux gars bourrés. Et il me dit, tu sais quoi, tu vas gérer. Mais moi, je ne suis pas le genre de gars grande gueule qui va casser tout le monde. Je ne suis pas un sniper, tu vois. Et c'est le premier sketch que je fais sur scène. Donc, je ne suis pas à l'aise. Mais oui. Tu le sais, quand on monte sur scène avec un premier spectacle, un premier sketch, on se raccroche à nos textes. Bien sûr. On a peur parce que moi, je fais de l'impro depuis 15 ans et en même temps, je n'ai pas utilisé l'impro parce que je me suis dit, je viens avec un sketch. Genre, c'est bon, j'ai juste à suivre mon sketch et ça va voilà. Bien se passer. Sauf que, tu imagines ce qui se passe. Moi, je monte sur scène, je prends mon micro. Et après 10 secondes, je dis « Ouais, voilà, blablabla ». Il y a un des deux gars bourrés qui se lève et qui se met devant moi. Mais pas devant moi à un mètre. Il se met devant moi, devant ma gueule. Genre, je vais te péter les dents, quoi. Ouais, exactement. Et il fait « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous faire rire ?» Et là, je tente le truc parce que je ne suis pas un vanneur. Tu me connais un petit peu, moi, je ne suis pas un vanneur, je suis mes textes. Machin. Je ne suis pas un vanneur. Et le gars, je le regarde et je lui fais « Je vais les faire rire plus que toi. » Oui, là, en effet, le pari était facile à tenir, j'avoue. Voilà, je tente le coup. Quoi, sauf que le gars, il me dit « Non. » Et il se met, je te jure, c'est ma première scène. Il se met devant moi. Mais pas à un mètre de moi. Il se met devant moi, devant le pied de micro. Ouais, et ouais. Il me regarde droit dans les yeux. Tu sais, à l'époque, quand tu faisais une scène, que tu arrivais, que tu étais débutant, on te donne 8 ou 10 minutes, tu vois. On te oui, donne oui. pas plus. Mm-hmm. Et ma meilleure vanne de la soirée, c'est que ben, ce moment de gêne, quand il était devant moi, ça a duré 5-10 minutes. Et j'ai regardé le public, j'ai pris mon micro et j'ai fait ouais, je crois que ça va être le sketch le plus long de la soirée. Et ouais! Parce que j'avais 8 minutes, mais ça faisait déjà 8 minutes que j'étais là à fermer ma gueule. Mais c'est bizarre quand même. Le mec, enfin, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus court cet instant où le mec est venu t'interpeller. Ah non, non ! Il est venu devant moi, il s'est mis devant moi, il m'a regardé, il a fait « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Ouais, et voilà, genre en mode défi, ouais. Vas-y, fais ton et sketch. Et je crois que le gars, il était bourré et il avait qu'une envie, c'est que je le pousse pour me péter la gueule. Mais vraiment, je me suis dit, tu sais quoi? Je ne le touche pas, le gars. Je garde mon micro. Et donc, après 3 minutes de silence, je fais « Je crois que ça va être le sketch le plus long de la soirée. Mm-hmm. » Les gens se marrent. Ils étaient avec toi. Bah oui, ils étaient avec toi dans ce moment de souffrance, quoi. Voilà, exactement. Et puis, malheureusement, l'équipe du bar fout le gars dehors. Et là, je me dis, tu sais quoi? Ouais. Tranquille, je vais commencer mon sketch. Et je commence mon sketch, c'est mon premier sketch. Ça fait 15 ans que je fais de l'impro, donc je pourrais déconner sur l'impro. Non, c'est ton premier sketch. Genre, il vaut mieux rester sur des rails, quoi. Voilà, t'as ton texte et machin. Et là, le gars, il se fait foutre dehors. Et je recommence mon sketch. Mais oui, et donc ça a dû refroidir l'ambiance, quoi. Ah oui, mais je leur ai dit, c'est le sketch le plus long du spectacle. Et je commence, et en fait, c'est un sketch sur le fait que c'est la première fois que je monte sur scène. Ok. Donc, je suis très mal à l'aise. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas pensé, ils avaient foutu le gars dehors. Mm-hmm. Mais ils étaient à deux. Ah oui, donc l'autre... Du coup, après 30 secondes que je commence mon sketch, t'as le gars qui fait « Où est-ce que vous avez foutu mon ami ?» Et il vient devant moi et il dit « Tu vas nous faire rire. » Et on recommence le même truc. Oh là là, il a pris la place de son pote, quoi. Ouais. Du coup, le gars de la boîte l'a foutu dehors. Donc toi, ça a vraiment gâché l'ambiance. Et après, ce que j'ai eu comme remarque très positive, c'est que, en fait, j'ai fait mon sketch après. Ça a duré 14 minutes alors qu'il devait durer 6 minutes. Et le truc, c'est que les gens m'ont dit, en tout cas, la seule chose dont ils étaient fiers, le public, c'est que j'ai été jusqu'au bout. Ils m'ont jamais dit, ton sketch était drôle. Oui, ils t'ont plus... Ils m'ont dit, t'as été jusqu'au bout. Voilà, ils t'ont respecté sur ta performance, pas sur le contenu. Mais moi, en tant qu'humoriste, je me suis dit, est-ce que mon sketch est drôle, toi? Le truc, c'est qu'à mon avis, tu l'as su aux scènes suivantes, quoi. Ouais, bien sûr. Mais sur le moment même, j'étais mal. Ah ben, j'imagine, ouais. Si je prends mon pote Jimmy Vandal, lui, il lui serait rentré dedans, il l'aurait dégommé pendant une heure. Mais moi, je suis pas comme ça. Je comprends. Moi, je suis intimide, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Oui, toi, t'es dans ton personnage quand t'es sur scène et tout. Exactement. Et tu rentres dans ton... Et oui, voilà. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils t'attendaient, les deux gars, dehors quand t'es sorti? Non, parce que mon sketch a duré super longtemps. Du coup, je crois qu'ils sont partis. Je crois que si mon sketch aurait duré 3 minutes, je me serais fait défoncer la gueule. Ah, je comprends. Et alors, j'ai eu un autre truc, si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec l'humour. Avant de faire de l'humour, j'ai travaillé au Club Med. Oui. Pendant longtemps. Uh-huh. Et je suis arrivé dans un dilemme, c'est-à-dire que moi, j'étais le géo belge. Et le soir du 21 juillet, on était à Bodrum. Et je dis, ouais, ce soir, c'est le 21 juillet. On prend tous les GM belges, donc tous les invités belges et tous les géo belges, tous les gens qui travaillent belges. Et je réserve le resto et on se déchire la gueule. Hein. D'accord, parce que le 21 juillet correspond à quelque chose. Ah ben, le 21 juillet, c'est la fête nationale quand même. Excuse-moi, je suis désolé, je manque de connaissances en belgitude, j'ai vraiment pas le... Pardon, c'est votre 14 juillet, tu vois ce que je veux dire? Voilà, d'accord, okay. Donc c'est le 14 juillet. Oui, comme quoi, les Belges sont tout le temps en retard, quoi. Voilà, et moi je me déguise en Mannequin Peace, et je réserve le resto, et on prend tous les Belges du village, les géos, les GM. Et ce qu'il y a, c'est qu'on fait la fête, et à un moment... Il y a un connard, je ne sais pas qui lève son verre et qui fait « Ami Costi, lève ton verre !» Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je lève mon verre, je bois le verre tout sec. Mais du coup, moi, je finis mon verre, je dis « Ami Stéphane !» Et ça a fait le tour de tout le monde. Ouais. On était dégommés et t'as la régisseuse qui est arrivée parce qu'on avait une première de spectacle. Et tous les géobelges étaient dégommés. Mais pas bourré. Ouais, ouais. Et donc, vous êtes monté sur scène dans cet état-là, quoi. Ouais, on est rentré à Bodrum. Et alors, moi, il y a un truc qui est devenu dingue, c'est que moi, j'avais un sketch comique. Ouais. Je maîtrisais parce que c'est mon truc. Et puis, j'avais un sketch de danse. Ah, vu le taux d'alcoolémie dans... Exactement. Tu vois, vu le taux d'alcoolémie, je pense que tu n'avais pas les capacités motrices, tu sais, pour... Et le problème, c'est que la danse a commencé. Alors, moi, j'ai commencé, mais j'étais bourré. Et du coup, j'ai regardé les gens et je faisais tous les mouvements avec une seconde de retard. Ça devait être marrant. Oui. Le problème que j'ai eu, c'est le lendemain. Ouais. Les gens qui me connaissaient en tant qu'animateur, ils sont venus me voir, ils m'ont fait « Hé, ton truc du gars qui assure pas sur la danse et qui est une seconde en retard, c'est génial. » Ils croyaient que tu l'avais fait exprès. Ils croyaient que c'était un truc. Et moi, je ne savais pas ce que je devais dire. Je ne savais pas ce que je devais dire. Ouais, t'as raison, je suis un génie. Ou, ouais, mais j'étais une merde, j'étais bourré. Vous savez pas. Et du coup, t'as choisi quelle solution? Je suis une merde, je suis bourré. j'ai assumé, j'aurais dit désolé. Et j'avais une seconde de retard sur tous les danseurs et les gens trouvaient ça génial. Bah, le décalage est toujours drôle, en fait. Ah ouais, ils se sont dit, mais il assure l'humoriste. Et en fait, je ne le faisais pas exprès, je n'étais pas capable de suivre. Ben c'est beau de pouvoir assurer une belle performance malgré ton état à ce moment-là. Exactement. Bon. Et c'est dit, la régisseuse est venue, elle nous a dit, eh oh, les JO belges, le spectacle commence dans 10 minutes. On est arrivé, mais défoncé, ça n'a rien à voir avec la carrière d'humoriste, mais... Non, mais bah, ça compte quand même, c'est de la scène, hein, c'est des galères de scène. Donc, exactement, c'est des galères. Je comprends. Ah non, mais vraiment, c'est beau en tout cas. Après, il y a d'autres galères. Il y a les galères où, tu sais, quand tu ne fais pas le malin, mais tu dis, ouais, j'aimerais bien avoir du coca et des fraises tagada dans ma loge, et qu'en fait, bah, tu n'as pas de loge. Oui, donc... Dans une fête de village et que les gars, ouais. Loge, ils ne connaissent pas le mot, tu vois. Ah ouais, donc fout, déjà, ça, c'est voilà, du kiff. C'est du kiff. Ben, si t'as déjà pas la loge, oui, il y a très peu de chances d'avoir le coca et les fraises tagada. Voilà, mais c'est du kiff. Tu l'as vu ben, quand bien sûr, la bien dernière sûr. Fois qu'on s'est vus tous les deux, c'était avec Samuel. C'est ça, Skarbek. On était bien, tu vois. Alors, franchement, c'était cool parce mais que c'était tellement beau. En plus, j'ai déjà reçu Florent Lawson, Gaëtan Delferrière, Serina Yari et Bénin qui étaient avec nous ce soir-là. J'ai Dena ouais, aussi, l'épisode de Dena aussi qui est sorti. C'était une belle soirée parce qu'on a vécu notre dernière scène ensemble. Exactement. Et, mais il et a après, dit, il a dit le gars de Los Amores, il a dit peut-être que ce soir c'est la dernière. Et c'était oui. La dernière. C'était la dernière. Dernière. Ouais. Et malheureusement. Si je peux lancer un message pour tous les humoristes, pour tous les artistes, on a mal, on a dur, ouais. Parce que je crois que toi aussi, ça te manque la scène. Moi, ça me manque la scène. J'ai créé mon spectacle début de l'année passée. Mm-hmm. Et quand je vois, je l'ai joué 5 fois et 5 fois, il a évolué. Et je me dis, quand est-ce qu'il va de nouveau évoluer? Ça me fait mal parce que j'entends des gens dire, on a besoin de vous. Ouais, mais et ça nous, me fait plaisir. En fait, c'est un double besoin. Tu vois, nous, on a besoin de la scène et les gens ont besoin de voir des artistes sur scène. Donc, c'est un très petit échange. Nous, on a besoin de donner et les gens ont besoin de recevoir. Absolument. Et aujourd'hui, ça fait un an qu'on nous retire la possibilité de donner, mais aussi de recevoir. C'est vrai. Et ça me fait mal. Logiquement, je vais faire le festival d'Avignon cette année. Génial, c'est bien. Mais je sais qu'il y a 9 chances sur 10 que ça n'ait pas lieu. Et ça fait mal. On va continuer à s'accrocher et puis on espérera que ça reprenne. Ouais. Écoute, j'ai hâte vraiment de... Merci pour ton invitation, vraiment. Et avec j'ai hâte de te plaisir. Voir sur une scène. Ben, moi aussi, j'ai hâte de repartager la scène avec toi et puis avec tous les copains belges. En Belgique, c'est vraiment... je sais que tu aimes la Belgique. Je sais la Belgique, je l'aime du fond du cœur. Et du coup, merci aussi. Pour cette anecdote. Mais franchement, je suis vraiment ravi. J'espère que tu pourras faire quelque chose de chouette avec ça. Ben, j'espère qu'on pourra reprendre des scènes chouettes ensemble et puis rejouer devant du bon public en et France. De toute façon, dès que je recommence ma scène à Waterloo, tu viens. Avec grand plaisir. Une scène tous les mois, au pire, tu dors chez moi. Mais franchement, l'invitation me va droit au cœur et je l'accepterai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais avec grand plaisir, merci pour ces anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, bien sûr, mon réseau, c'est Kostia sur scène. Kostia, vous l'écrivez avec un K. K-O-S-T-I-A. Je suis obligé de le dire parce que les gens, sinon, ils tapent Kostia Croisière. Ils tombent sur des croisières à 180 miles la nuit. Tu vois, ils ne veulent pas venir. Alors que moi, mon spectacle, il est à 18 euros. Mais oui, tu es moins cher que les croisières, bien sûr. Bien sûr, je suis moins cher et je suis plus drôle. Donc, c'est Kostia, K-O-S-T-I-A sur scène. Sur Instagram, sur Facebook, surtout. Ok. Tu as une chaîne YouTube peut-être ou Twitter? Kostia sur scène aussi, mais je ne la fais pas assez vivre. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.